Le son est mou, yo. Ok. Ça jamais dit tout et rien, elle est sur tout terrain. On peut prospecter tes enceintes, oublier tout est bien. Tu vois en bas des teams en bas, on peut faire chez moi. Nostalgique ma team en bas, dans gymnase les soirs où y'avait rien à faire, qu'on se contentait de peu de choses. Je déteste le flou, ce qui nous sépare, le choc. Tu perds tes amis, tu te condamnes à l'exil. Toujours les nerfs à vivre, prends des risques pour vivre. Je suis conscient d'en agacer, j'ai des délires de gosse. J'aime le rap, fuck le rock, s'il faut je l'arme au proc. Qu'est-ce tu veux de plus, je suis un môme qui a pas fini de grandir. J'aime pas ce monde de faux. Il faut que je taille des renvies, trop de gamberges dans ma tête. Des fois j'ai envie d'arrêter. Le RAP c'est RNB, je suis à l'ancienne, la Red Dead. Je suis trop vrai, trop sincère, pas dans le rap pseudo gangstérile. Baisse les mythes en gangbang, avorte les kills deviennent stériles. Système B, la seule solution, la seule alternative dans notre position. Tu choisis pas qui tu es, tu choisis qui tu deviens. La chance pointe à son nez, saisis la à demain. Système B, système B, la solution c'est faire. Tu sors en AD, tu choisis pas qui tu es, mais tu choisis qui tu deviens. Je suis loin des 26 ans d'âge, résume ma vie dans 600 d'art. La vie est une crasseuse qui ne mérite pas 600 doigts consistantes. Mal ou bien la rouge ou sous rôle d'abribus. Même si t'en perds l'habitude, c'est ce rôle que tu lui attribues. T'attribues, je m'en branle, ton ghetto, je m'en branle. Rien de tout ça ne te sort de la merde. Tous les bêtos m'entendent, l'important, portant. Que la famille soit bien portante, je serai bien partant pour mettre une gifle à mes ennemis à bout portant. C'est la guerre, elle est trois gars, se battent pour un tiramisu. J'ai pas d'une dos, j'ai pas peur qu'une pute vienne me tirer mes sous. Je pleure même si mes yeux n'ont plus de ciel à verser. Pourtant j'aimerais faire la paix d'une guerre où je suis seul adversaire. La France n'a pas de capote avec les jeunes qui niquent l'état. À croire qu'elle fait la pute comme au début l'a fait Nicoletta. Chico les gars, caché grandi en errant. À part mon taf, dis-moi ce que j'ai pour rentrer dans les rangs. Système B, la seule solution, la seule alternative dans notre position. Tu choisis pas qui tu es, tu choisis qui tu deviens. La chance pointe à son nez, saisis-la à demain. Système B, système B, la solution c'est faire. Tu sors en AD, tu choisis pas qui tu es, mais tu choisis qui tu deviens. La chance pointe à son nez, saisis-la à demain. L'atmosphère aride, vas-y prends les paris. Beaucoup d'MC en France, pas qu'à Marseille ou Paris. Quand on arrive sur la table, ça fait l'effet d'un plageau. Toi tu sais pas qu'au bord de Loire, même les meufs sont macho, là où le taux de délinquance ne cesse d'augmenter. Mais si la France a peur, c'est le gouvernement qui hanté. C'est 1 pour mes barjots, 2 pour mes sistas, 3 pour mes gadjots. Et fuck quel système. Faut qu'on nous écoute car on a des choses à dire. Y'a pas grand chose de bon dans les rayons d'Aldi. C'est comme pour faire le plein, bientôt faudra le billet vert. Même la planète pète les plombs, en été c'est l'hiver. Ça commence dès que je sors de chez moi. Je ne vois que des gens qui ont l'air dans le bas des merdes. Putain y'a la voisine qui râle et merde. En plus, y'a les machines qui parlent. Système B, la seule solution, la seule alternative dans notre position. Tu choisis pas qui tu es, tu choisis qui tu deviens. La chance pointe à son nez, saisis-la à demain. Système B, système B, la solution c'est faire. Tu sors en AD, tu choisis pas qui tu es, mais tu choisis qui tu deviens. La chance pointe à son nez, saisis-la à demain.